surtout pas flipper. Surtout pas flipper. Surtout pas flipper. Encore un jour où je me réveille, les fesses entre les oreilles. Au moment même où je m'endors, vas-y le réveille encore plus fort. Ça y est, ça s'anime dans ma tête. Où sont ces putains d'allumettes? Si je commence déjà à penser, j'aurai plus de force pour le dîner. Surtout pas flipper. Surtout pas flipper. Surtout pas flipper. Surtout pas flipper. La radio annonce des nuages, la télévision des orages. Le vent souffle dans les rues, des ombres loin dans ces murs. Les gens courent sans savoir, par amour ou par désespoir. Trop serré le thé du matin, je m'écrase mon mégot sur la main. Surtout pas flipper. Surtout pas flipper. Surtout pas flipper. Surtout pas flipper. Maintenant je suis dans la rue, toujours subtil et détendu. Je me prépare à la croiser, cette fois je vais lui parler. Moi-même je la vois, elle ne me regarde même pas. Quand même depuis tout ce temps, elle pourrait faire au moins semblant. Surtout pas flipper. Surtout pas flipper. Surtout pas flipper. Surtout pas flipper. Encore un jour où je me réveille, les fesses entre les oreilles. Au moment même où je m'endors, vas-y le réveille encore plus fort. Ça y est, ça s'anime dans ma tête. Où sont ces putains d'allumettes? Si je commence déjà à penser, j'aurai plus de force pour le dîner. Surtout pas flipper. Surtout pas flipper. Surtout pas flipper. Surtout pas flipper.